petit cordonnier, qui voulait aller danser, a lui fabriquer de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, que tu t'as dans ta tête, tête. Crois-tu que mon cœur s'achète, cette, avec une paire de souliers. Mais la belle accepta et l'emporta sous son bras de petits souliers pour aller danser. Le cordonnier se rejouit, a mis ses plus beaux habits, se pomponner pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle ritonnait d'un petit air futé. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle ritonnait d'un petit air futé. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as dans ta tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, cette, avec une paire de souliers? Mais à peine la belle avait-elle fait trois pas que ses petits souliers furent ensorlés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée, les musiciens ne comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin, tout épuisée, se mit à pleurer. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin, tout épuisée, se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner ma tête, tête, tout.